Comme ça, là, ça vaut pas la peine. Aussi bien décrocher. Tabaslac. Ah oui. Enlevons nos fanions. Ben oui. Faut que j'enlève mon fanion. Moi, d'être là ce soir, en sortant de la station. Sans ça, on va être dans les caves, moi. Ben oui. Ben oui. Les gens vont croire que je suis un sans-dessin. Un peu le Xavier Dolan de la radio. Il est jeune, il est talentueux. Anne Dorval pourrait être sa mère et il tape sur les nerfs de Pain du Monde. Accueillons votre animateur, Jean-Utip Vaud. Je me sens comme le petit Dolan, ça croisait. Ça n'a pas duré 13 minutes. Quand non, même, mais quand même. Le talent est là. Le talent est là. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser simplement le temps de nous remettre du nouveau langage de notre premier ministre, Philippe Couillard. Hein, Fred Savard, bonsoir. Je dirais plutôt salutations de fin de journée précédant une bonne nuit qui ne saurait tarder. Ça va, Fred? Oh oui, je fais de l'euphémisme. C'est la grosse mode. Ben oui, ça, c'est la maladie de Philippe Couillard. Ben oui. Vous l'avez entendu cette semaine. Hein? On ne parle plus d'austérité, mais de rigueur budgétaire. Hein? Ça serait presque poétique si ça sortait pas de sa bouche. Non, mais la pilule passe beaucoup mieux. Hein? Vous savez, on a appris il y avait 2 semaines que la situation économique n'était pas si désastreuse. Non. En fait, que c'était un climat pour créer des opportunités de croissance, finalement. Oui. Là, oui. Ça, c'est la manière. Ben hein? Oui. Et là, ben, on est juste en rigueur budgétaire. Ah. C'est tout. Alors, ça va pas nécessairement mal. Bon, la prochaine fois, je vais voir un itinérant, je vais dire, hey man, t'es juste en rigueur budgétaire. Ben ouais, voyons donc. Tout est correct. Hey, le stress. Voyons donc. T'sais, une petite rigueur budgétaire. Ouais. Tu vas rester à Outremont comme tout le monde. Voyons donc. Il va être très content d'apprendre ça, Fred. Ah, mais c'est la manière, hein, je le disais. Toujours. Toujours est-il que c'était un des beaux discours que j'ai entendus en 90 minutes de Philippe Couillard. Honnêtement, c'était très, très bien. Oui. Très, très bien. Oui. Mais c'est parce que ça a été facile à comprendre. Normalement, la politique, vous le savez, hein, c'est très. C'est des grands termes. Grosse notion. Gouvernement, ministre, gestion. C'est des choses qui sont pas très faciles. Non. Et lui, il nous a rendu ça très facile. Il a comparé le gouvernement, en fait, gouverner à en fait, bâtir un édifice. Oh. Ah, c'est très facile à comprendre. Ça, j'aime ça quand on me parle comme si j'avais 11 ans. Ben ouais. Honnêtement, j'ai compris beaucoup de choses. Hein. Ah oui, hein? Ben, il a parlé des fondations. Les fondations d'un édifice, là, vous le comprenez. C'est ce qu'on. Enfin, ça, c'est les fondations d'un gouvernement libéral. Et ça, un des premiers matériaux. C'est le ton courtois. Pouvez-vous croire? Ça va être ça. Ça prend le ton courtois pour les fondations d'un édifice. Moi, j'ai appris ça, moi. Moi, mais en même temps, je vais vous le dire, quand je bâtis quelque chose, c'est le ton courtois, moi, qui me. C'est sur les chantiers, là, quand il coule le solage. Ah, là, ouais. C'est courtois, courtois, courtois. Là. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais si, ramenez-moi le ciment, s'il vous plaît. Moi, je leur dis des fois, pourriez-vous être courtois moins fort? Non, non, non. C'est trop. C'est ça qui se passe. Les autres matériaux, en fait, y a pour les fondations, toujours, là, on parle de maison, vous comprenez le bon. Oui. C'est la transparence et l'intégrité. Alors, intégrité, transparence et ton courtois, je pense qu'on a. Intégrité libérale, on va avoir de l'eau dans le cave, je pense. On installera une pompe. Oui, on va. Il y a aussi les colonnes, quand on construit la maison. Ah, les colonnes, c'est très important. Oui. Et dans l'édifice libéral, il y en a deux. C'est la rigueur budgétaire et l'économie, en fait. Hein, la situation de l'économie. Juste deux colonnes. Hein? Juste deux colonnes. Ah, ben en masse. Voyons donc. Voyons donc. De toute façon, il y a tellement de colons au Québec. T'avais dit? Ben, non. Non, non. Fred avait dit que ça allait rire. Ça n'a pas ri. Ben là. C'est le silence qui a amené ce rire-là. Voyons donc. Mais on se pratique pour les 4 heures de l'année prochaine. Ben on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Mais toujours dans la construction de la maison, ça prend un toit et il y a une toiture également, on le sait. Oui, ça va être quoi la toiture libérale? La toiture libérale, ben vous le savez, c'est la place du Québec dans le Canada et aussi, accessoirement, créer une société plus juste. Et ça, ça va en prendre des bardeaux pour pas que ça coule? Alors, ben ouais, avec les libéraux, ça coule rarement. C'est très hermétique, les libéraux. C'est rare que ça y ait des fuites. Non, Et évidemment, bon, ça, c'est pas mal ça. Pour la maison du Québec, je pense que je dirais que c'est pas mal. C'est emballant, franchement. 4,5 de ça? Ouais. Ouh! C'est fini. La maison est finie, là. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de pelouse, pas de shed. Ils sont en soumission avec SNC Lavalin. Ah! On va voir si. Fait qu'on va, on va avoir 4 murs, on va en payer 11. Ouais, c'est ça, regarde. Ouais, d'ailleurs, parlant de ça, il y a eu le CUSUM cette semaine. Hein? Oui. Paraît que ce serait la plus grosse fraude de l'histoire du Canada. La plus grosse fraude de l'histoire du Canada. Et ça, c'est Arthur Porter, c'est l'ami de Philippe Couillard là, qui est au centre de tout ça. Là. Non, non, non. Non. c'est pas l'ami de Philippe Couillard. Là, j'aimerais préciser, ce n'est pas l'ami de Philippe Couillard. D'ailleurs, il sait à peine s'il pourrait le reconnaître sur une photo. Justement, vous l'avez vu la photo là, de pêche en Gaspésie de Couillard avec Porter? Voyons donc, venez pas me dire que c'est pas des chums. Mais non, on parle pas du chum, on parle du cusum. Vous savez que ça, c'est deux blagues que Fred insistait pour faire, hein? Et j'ai bien fait. Ah oui? J'ai gagné un Gémeaux, c'est pas pour rien, hein? À l'époque, il y avait moins de monde qui appliquait. C'est pas vrai! C'était des grosses années. Ah oui? Ah oui, oui. Ah boy. L'année de la petite. N'étais même pas né. Non, ah oui, non, pour vrai. Ah non, mais dans un sujet plus léger, justement, il y a Radio-Canada Télé qui nous annonçait que Timé allait animer un talk show. À toi, c'est déjà drôle, tu vois? Attends, mais là, Timé, là, vous voulez dire Claude Meunier? Non, non, Timé dans Petite Vie va animer un talk show en janvier, c'est pas. Non, Chris, ils prennent-tu du crack au cinquième étage? Me semble qu'après Cap sur l'été, je reste laqué un peu. C'est le concept de marde, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense que j'ai un appel. Vous savez que les ficelles pour votre contrat sont pas toutes attachées pour l'année prochaine, hein? Mais en même temps, Fred, je veux dire, ça me semble que ça a toujours été une bonne idée, un personnage pour animer une émission. Ah, je sais pas. Mais on vous rappelait pas de Politiquement Colette, c'était bon? Ah, non, je suis pas sûr, je m'en rappelle. Attends, Colette, Colette, c'est la fille de météo, ça? Mais non, non, c'était avec Pierre Brassard, là. Ah. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Pourtant, c'était une des plus grandes demi-saisons d'histoire de la télé. Ah, ça. Ouais, hein? Ouais. Ça a duré quand même pas mal plus longtemps que VIP de Louis Morissette, qui n'est pas un personnage. Ah, oh, ouais, quand même. Mais moi, ça m'a étonné, cette nouvelle-là. Ben, ça m'a vraiment étonné. Mais surtout dans un contexte de restrictions budgétaires. Ben, oui. Qui peut se payer, Claude Meunier? Ben, je pense que la question, c'est plus qui veut se payer, Claude Meunier. Ou... visiblement, c'est nous. Hein? Ouais, mais bon, c'est nous. Comme le dit le dicton, on a tous droit à notre 15e chance. C'est vrai. Et je pense que c'est très correct. Hein? Voyons donc. Hey, parlant de télévision, on reçoit une vedette du petit écran ce soir. Réal Bossé. Ah, monsieur oui. Réal Bossé, vous êtes avec nous. Mais bon Dieu. Seigneur. Vous savez que s'il le prenait pas dans 19-2, là, c'est moi qui faisais le rôle du policier de 6 pieds 3. Hein. J'étais le premier choix de Francis Leclerc, ça a été confirmé. Mais c'est pas Francis Leclerc qui réalise. Ah, c'est pour ça que mon téléphone ne sonnait pas. Vos seuls rôles de policier, c'est avec Francis Leclerc. Oui, lui-même, qu'est-ce que tu veux, regarde. Il est tolérant. Mais tu sais, c'est un passe-temps pour moi, hein, le jeu. Oui. Ouais. Ben là, peut-être avec vos derniers commentaires là, sur Claude Meunier, ça serait peut-être votre emploi principal. C'est peut-être. Ouais. On reçoit également le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, très heureux. Ah. Il va être content d'apprendre qu'il y a encore un péquiste dans la salle. Oui, oui. Hein? Ça, c'est lui qui a dit que la charte, c'était pas une super bonne idée, finalement. Oui, hein, ça, après. C'est effectivement, c'est un des 68 péquistes qui a dit ça. Ah, hein? Oui. Ouais, ouais. Mais on aura le temps de les compter parce que la soirée est encore jeune, Fred. Hey, le petit Niquette! Ah, oh, c'est moi. Parle-nous des internets. Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir l'excellente manchette de TVA sur notre ministre de la Santé qui va comme suit: Barrette sur le grill. Vous en aurez l'eau à la bouche. Franchement. Ben oui. On passe au courrier des auditeurs. C'est TVA. Hein? D'abord, Olivier Vinette demande, est-ce que votre courrier des auditeurs remplacera le département des plaintes que Radio-Canada va couper? Ah. Ben, j'espère, hein, parce que j'aimerais ça en maudit lire les plaintes contre le Timé Show en janvier prochain. C'est ouvert. Ensuite, Vincent Dubuc veut savoir si l'émission va être diffusée sur les nouveaux canons à son de la police de Montréal. Hey, maudite bonne idée, hein? Surtout que notre public est composé principalement d'anarcho-communistes qui passent leur temps à manifester. Là, on ferait une pierre, deux coups de matraque. C'est vrai. Ah. Enfin, Yves Desgagnés nous écrit: la semaine passée, vous avez dit que j'allais être conseiller en français à TVA Sport. Or, c'est pas vrai pantoute. Ben, nos excuses, M. Desgagnés, c'est vraiment une erreur de débutant. On a cru Régent Tremblay qui avait écrit ça dans sa chronique du Journal de Montréal. La game vient de changer. On ne fera plus jamais confiance à Régent. C'est une promesse. Merci beaucoup, Olivier. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? On veut un pays! On veut un pays! Ben voyons donc. On veut un pays! Ben voyons donc. Êtes-vous en train de virer fou? Non, j'ai dit, Jean-Philippe, on veut un pays! Ben oui, je sais, mais on n'est pas en 1980, c'est quoi cette niaiserie-là? Jean-Philippe, le projet de la souveraineté sera toujours un projet actuel. Ben, vous n'êtes pas journaliste, vous? Je veux dire, vous n'avez pas le droit de dire des affaires comme ça. Jean-Philippe, j'étais journaliste jusqu'à maintenant. Oui. Vous savez, j'avais pas forcément envie de vous suivre l'année prochaine, le week-end. Ah. Alors j'ai décidé, comme tout le monde, de quitter Radio-Canada, de me lancer en politique, et encore plus, je vais me lancer dans la course à la chefferie du Parti québécois, Jean-Philippe. Ah! Ben quoi? Mon Dieu, vous avez des appuis. Mais vous allez avoir quand même de la compétition, Jean-Sébastien. Oh, pas tant que ça. Ben, bof, pas tant que ça. Pierre-Carl Péladeau, hein? Je pense qu'on s'entend que lui, on peut facilement lui mettre des bâtons dans les roues. Ah! Franchement! Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, ben oui, je comprends. Ça veut dire? Oui, oui, c'est bon, c'est correct. C'est beau. C'est beau, Eban. Mais, oui, oui, c'est correct, Jean-Sébastien. Mais sinon, il y a Véronique Yvon. Hey, c'est assez! Il y a Véronique Yvon aussi. La madame qui veut tuer nos vieux, là? Oui, elle. Oui. Je pense qu'on va prendre un petit break des femmes pour un beau PQ, Jean-Philippe. Bon. Sinon, ben, il y a Alexandre Cloutier. Il y a des chances, lui. Eh, bonne. Je sais, je sais. C'était une petite blague. Une blagounette très, très, très efficace. Alors, évidemment, Jean-Philippe, oui. Je me dirige vers les bureaux de Octane Stratégie et je vais rencontrer un stratège. On le sait, en politique, c'est très important, les stratèges. Oui. Et ce stratège va m'aiguiller sur ce que je dois faire exactement pour gagner ma course à la chefferie, Jean-Philippe. Eh, mon Dieu, mais ça existe encore, des stratèges en politique? On veut un pays! Pardon? On veut un pays! J'ai pas entendu quoi? On veut un pays, Jean-Philippe! OK, bye! Ben oui! Hey, notre premier invité, Fred. On l'a découvert dans une galaxie près de chez vous. On ne lui aurait pas acheté d'assurance vie dans Continental, un film sans fusil. Et on ne l'aurait pas écœuré dans 19-2. Accueillons M. Réal Bossé! Hey! M. Bossé! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir! Super! Écoute, j'entends plus rien. Mon Dieu, c'est rare qu'un invité est aussi bien accueilli. C'est vrai. Hein. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs fans de 19-2 qui est dans le public. Il y a des gens qui ont mis leur T-shirt de 19-2. Non, non, mais là, ils nous suivent partout, ces deux-là. Là. Ah oui? Ah ouais, non, non, regarde. Je pensais que c'était uniquement chez nous. Non, non, non, j'aimerais ça qu'ils s'en aillent, d'ailleurs. Ouais. Ah, nous autres aussi. Ah, ils ont vraiment plus de vie, là. Non, c'est vraiment, c'est 19-2 all the way. Ah oui, à ce point-là? Est-ce que non, c'est non, vrai on les aime bien. Oui, oui. Ah, mais ils disent oui. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais vous savez qu'ils boivent beaucoup de bière chez nous quand ils viennent. C'est correct. Mais pourquoi tu penses qu'ils viennent? Ben, c'est ça qu'on se dit à chaque émission. Mais c'est rare qu'on parle d'eux, mais c'est notre public qu'on aime tant. C'est vrai. Puis, comment vous appelez, les gars? Sylvain. Sylvain et? Simon. Sylvain et Simon. Ah, hey, deux S en plus. Oh. Ah, vous appelez les SS. Non, pas nécessairement. Ah! Ah! Ben! En tout cas. Hey, Réal, une bière? Ah non, pas de bière. Moi, je suis à l'eau. Ah oui, direct. Ben oui, vous êtes à un job. Je suis on duty, je peux pas prendre la bière. C'est ça qui se passe, hein? Hey, vous savez, je faisais la recherche pour en apprendre un peu plus sur vous. Pareil, vous êtes une icône de la télé québécoise. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, c'est Julie Sassou. Non, je sais selon pas. Selon TV. De quoi tu parles? OK. Imaginez-vous que sur TVA, là, ouais. Hein, vous êtes décrit ainsi. Réal Bossé est une icône québécoise tant sur les planches qu'au petit et au grand écran. C'est pas rien, ça. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, un gars de carrière. C'est pas un peu exagéré. Pas en tout, il en manque non. Des bouts. Il y a un grand bout. Ben écoute, on va parler d'une de ces pierres là, angulaires ouais, de la ouais. Carrière de l'icône. LOL. On recevait, ouais. Hein, on recevait, non, non. Mon Dieu, pourquoi les gens rient? Mais c'est vrai que c'est une émission drôle. dans une pré-entrevue que vous avez donnée à un de nos recherchistes, il y a quand même assez longtemps. Mais avez-vous tant que ça, des recherchistes? Ben non, c'est ça qui est drôle, 800. Un de nos recherchistes. Non, mais... Je savais même pas qu'on en avait, sincèrement. Ben non, c'est lui qui m'a appelé par hasard. Il dit, regarde, il faut vraiment que je fasse ça. Moi, je texte régulièrement Réal Bossé. Il me répond jamais, mais je le texte régulièrement quand même. Mais c'est parce que tu parles à l'autre Réal Bossé. Ah, l'autre. Qui joue de l'harmonica dans. C'est lui, ça. Ouais, Edmonton. Un de mes, enfin. C'est lui qui a joué d'ailleurs dans les. Voyons, on reviendra. Ouais, regarde. Je me prends une petite note. Ouais. Puis on en parle dès qu'on est. Les dangereux. Ah! Ça, c'était bon, ça. Mais j'ai pas joué dedans, moi. Mais non. Tout le monde me dit, hey, c'est bon, les dangereux. Non, je n'étais pas là. Ben, est-ce que vous étiez là, vous avez honte? Non, j'ai joué dans les chanceux de pas jouer dans les dangereux. Ah, OK, d'accord. Bon, là, on va arrêter de parler de ça. Tout est-il que vous avez déjà dit que LOL, c'est oui. Un genre d'humour qui me fait beaucoup rire, du monde qui se casse la gueule. Je trouve ça très, très drôle. Oui. Et plus ils sont vieux, c'est-à-dire... les gens qui se cassent la gueule, ouais. Ou jeunes. Okay. Quand ils ont mon âge, je trouve ça moins intéressant parce qu'on dirait que ça me vise un peu. Ouais. Mais quand c'est des enfants, mettons, t'es les bébés qui revolent à l'envers parce ouais. Que le chien leur est rentré ouais, dedans. Ouais, ouais. J'aime les fails ouais. de Minou m'intéresse moins. Mais mettons, ma gang, là, les humains, là, ouais. Quand ils mangent des volets, je trouve ça drôle. Je veux pas savoir s'ils sont morts après. Non, non, non c'est ça. Ça m'empêche de rire, mais sinon... Ouais. Je trouve ça très drôle. Vous devez avoir ri, là, avec Pierre-Carl cette semaine, une affaire de fou. Non. Ils ont mon âge, à peu près. Ah! Ben non! T'es insultant. Non, non, sincèrement, non, je fais du vélo. C'est pas le fun de tomber en baissé. Eh mon Dieu, que c'est pas le fun. Non, c'est parce que ta tête, c'est le bumper. C'est pas le fun. C'est... Oui, oui, puis on a vu mais la photo. Mais rentrer d'un cycliste, par exemple. Ah, ça, c'est le fun. Ben, c'est un gros party de ce temps-là. Méfiez-vous, les vélos, ouais. Là. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est les anarcho-vélistes. Non, non, garde. Gars. Non, mais quand on devient policier, même quand c'est pour le petit écran, là, est-ce mm-hmm. qu'on devient plus violent automatiquement? Je le suis déjà beaucoup. Ouais, c'est ça, mais je me demandais, est-ce que c'est une coche donc, au-dessus? Je suis dans ma talle, là. Non. Non, non, sincèrement, je sais pas, je pense pas. Hey, parlant de talle, je le disais, on a reçu Sylvie Moreau qui nous a parlé de mime corporel et ça a été de loin un des segments qui a été le plus apprécié dans les dernières années. Ne dérougisse pas, les gens veulent entendre parler de mime et de pantomime. Oui. Tout à fait. C'est la fenêtre, hein? Ça, c'est la, non, ça, c'est la pantomime. Ah. Tais-toi, je me mélange tout le temps! Mime corporel, mime démocratique. Hey, là, là. C'est le même... Mettons, regarde, je vois la différence. Oui. Encore. Parce que vous avez étudié le mime corporel aussi. Oui. Le mur, je fais semblant qu'il y a un mur devant moi, mime, pantomime. OK, oui, on s'en va dans la pantomime. Oui. Hein, Marceau? Alors, je suis le mur! Réal, juste un instant. Alors, pour les gens de la maison, Réal met les mains devant lui. Non, non, non, ça change pas grand-chose. Mimer, c'est comme un outil de plus. Vous êtes une des deux personnes que je connais qui a fait des études en mime corporel. Oui. Donc, Sylvie et Réal Bossé a fait... Qui était le meilleur des deux? Ah oui, il vient de mimer que c'est lui. Ben, c'est quoi votre code Z ou de votre code R de mime? Là? Ouais. C'était quoi votre moyenne? 4.3, 4.5? J'avais une bonne moyenne au bâton, mettons. En tout cas, ça vous sert pour là. Pas de bâton pour là-dessus. Ben non, c'est vrai. Hein? Non, en fait, ça m'aide beaucoup à comprendre physiquement les affaires. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne quand on parle de mime corporel. Je trouve ça bien spécial. Mais, non, mais... C'est comme les gammes d'un acteur, mettons. Ouais. Fait qu'il faut apprendre la mime corporelle. Mais moi, je suis un acteur froid. Je fais semblant. Faut pas le dire grand, fort, fort, là, mais je fais semblant. Moi, je suis pas vraiment en émotion quand je joue. Là. Ah non? Non, non, non, non. Vous êtes pas comme un Daniel Day-Lewis, là. Qui... Il fait bien, il fera ce qu'il voudra, lui, mais... moi, je me couche plus heureux quand j'ai fait une bonne journée d'ouvrage à faire semblant. Ah oui, hein? Ben oui, c'est facile, tu rentres, tu sors. Ouais. Un gars de piton. Ah oui, hein? Un acteur froid. Faut pas aller vous chercher, genre, parce que là, vous êtes dans vos émotions. Non, non, tout, non, là. Moi, je suis jamais là-dedans. Okay. Arrête, tu viens me chercher quand tu veux. Okay. Ah oui, hein? Non, non, non, tu viens quand tu veux. Ouais. Même pendant que je joue, tu peux me parler. Mais non. Hey, avec Sylvain Archambault dans Négociateur, là, il me criait par la tête. Je faisais comme, je t'entends pas, je continue à jouer pareil. Pour vrai? Ben oui. Mais ça, c'est du talent, ça. Hein? Non, non, c'est pas du talent, c'est une façon de voir la job. Ah oui, c'est comme une job, dans le fond. Ben oui, c'est une job. On me paye pas, tu es malade. Je fais pas ça. Faites pas ça pour le fun. Pas ça pour gratis, j'en ai assez fait de théâtre. Ah ouais? C'est ouais. Cœur, hein, ça paraît. Mais là, je suis devenu directeur artistique chez Omnibus. Avec Sylvie, d'ailleurs. Omnibus. Ouais. Ça pogne-tu, ça, encore, ça, Omnibus? Check bien ça. Quand? Ben on fait deux shows cette année. Ah c'est automne, oui? Tu viens de revoir ça, là. Au lieu de, voter sans trop savoir pourquoi tu votes, viens donc faire un tour. Informe-toi. Va au théâtre, M. Gauthier. Ah, mon Dieu, j'ai assez ça, le théâtre. Et qui, hein? Regarde. Est-ce qu'il va y avoir des gens connus? S'il n'y a pas de gens connus, il n'ira pas. Moi, je ne vais pas. Oui, il va y avoir des gens connus. Y a-tu une première avec ta pirouette? Je vais être là dans la salle, maintenant. Ah, OK, bon, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Mais là, parlant d'affaires intéressantes, là, 19-2. Ouais. Les gens veulent entendre parler de 19-2. J'ai mes deux SS ici qui sont bien excités d'avoir Réal bossé. La saison 3, c'est quand? C'est la troisième année. Donc, ouais, non, mais si tout va bien, là, normalement, en janvier, là, 2015. En janvier 2015? Oui, ça devrait, là. Mais ça devrait. On n'aura pas écrit ça pour ça. Non, pour non, mais c'est dans six mois. Il me semble que vous êtes lousse du. Oh non, on est lousse. On est lousse du gun. N'inquiète pas. Ah ouais? Non. Ça veut dire qu'il faut que ça tourne, là, là. Ça va tourner à partir de septembre. Hey, mon Dieu, comme on a toujours fait. Ah ouais? Oui, parce que Paul a cette façon de travailler. Il tourne en même temps qu'il fait monter. Avec Valérie, une monteuse à lui, qui travaille très bien d'ailleurs, puis ils se connaissent bien là-dedans. Fait que mais c'est écrit, là. C'est en train, oui, ça achève d'être écrit, là. Mais ça achève, c'est parce que c'est vous l'écrivez encore? Oui, mais ça presse pas, là. Regarde, on est au mois de mai. Ben. Il y a des séries qui ont été collées on, il y avait deux épisodes, il en fallait 10, puis ils ont collé ça au mois de mai pour entrer en septembre, ça a marché. Ah oui, hein? Non. Des fois, là, c'est chapeau de roue, mais c'est peut-être mieux de même. Est-ce que c'est difficile d'écrire à deux? Parce que. Non, à deux, c'est pas un problème. Parce que moi, je pose la question, parce que Fred et moi, on écrit le monologue d'ouverture. Ouais. Ben, Fred l'écrit une première fois, puis je le rends drôle après. Et je me. Et c'est une façon de faire. Et je me demandais, est-ce que c'est Claude qui écrit le squelette et vous le rendez bon après, ou l'inverse? Non, il y a des auteurs qui travaillent avec nous aussi. Hein? Ah, c'est ça qu'on n'a pas, nous autres. Hein? C'est ça. Faut trouver des auteurs, parce qu'écrire dit auteur aussi. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Donc, il y a Daniel Dansereau qui travaille avec nous, il y a Martin Forgette. Et dans la première année, il y avait Joanne Arsenault qui écrivait. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont écrit là-dessus. Mais du monde avec du talent, vous avez gagné des prix sans arrêt avec cette affaire. Ça n'arrête pas. C'était cœur, hein, ça. Non, mais ça veut. Ouais, on a gagné des prix. Tiens, je vais arrêter ça là. Ben là, faisons pas semblant. Là, voyons donc. Non, c'était le fun. C'est le fun. C'est une bonne série, je pense. Ben, c'est suivi. Et je l'ai même écouté. J'écoute presque pas de télé québécoise. Mais je l'ai écouté celle-là en anglais. Je trouvais que c'est moins. C'était moins intense. J'essaie de pas écouter des télé. C'est intense, par exemple. La deuxième saison, moi, j'ai trouvé ça intense. Moi, j'en ai voulu, moi, d'avoir... On fait call-off la troisième, parce que... Tu nous en as voulu. Moi, Sylvain Marcel, je trouve ça chien de l'avoir mis comme ton. Je le trouvais écœurant, moi. Les gars, pas de cheveux, là. Non, mais regarde, Bob. Non, ce que je veux dire, non, ça a donné de même, là. Ah oui? Ah oui. OK. Vous en avez-tu voulu, ben gros, lui, quand non, tu as non, Sylvain? Non, il ne m'appelle plus, mais c'est correct. Ben j'étais déjà tanné, il m'appelait tout le temps. il m'appelle plus. Ah non, hein? Ah ben, on a très, très hâte. Donc, en janvier. Et est-ce qu'il va y avoir un gros punch qu'on peut révéler immédiatement, là, question qu'on... Tu veux dire comment ça finit? Ouais, toujours de même, je sais pas. Ben non, je peux pas faire ça. Ou comment ça commence? Je l'ai déjà dit à Mané un peu comment finissait la deuxième année. Ah oui? Ouais. Puis? Quelqu'un de très proche de moi. Hein? Elle a pas aimé ça, pantoute. Non? Elle dit, pourquoi tu me dis ça? Ah, là, ouais. Non, mais moi, j'ai plus de fun. Comme je dis, moi, je l'écoute pas. Fait que. Va savoir un plan séquence de 3 semaines, genre. Ah, OK, ouais. On bat un record. Ah ouais, c'est pour ça que vous êtes pas stressé. La troisième année n'est qu'un seul plan séquence. C'est ça. Écoute, on commence à 9h le soir, ouais. Et on va finir, je sais pas. Le lendemain, ouais. 9h plus tard. C'est David Laïc qui réalise. Ou... Ouais. C'est David Laïc qui réalise. Ça, c'est très inside. Non, c'est ça. Ils comprennent pas. Ouais, non, c'est pas grave. Gardons, rien. Non, c'est parce qu'il a fait un film, un seul plan. C'est ça. On a parlé avec Sylvie. Pas pour vous, là, pour les gens qui nous écoutent à la radio. Ouais, non, exactement. Bon, c'est niaiseux, mais on a Alexandre Cloutier aussi. C'est qui, lui? Ben, arrête, on a parlé, on a beaucoup parlé en cours. Ah oui? Ouais, pendant que tu as voulu t'associer, parce que M. Vautier a voulu s'associer à notre discussion, ouais. On l'a viré de base. Aux toilettes, ça va te perdre. J'ai vite vu que c'était sérieux, je me suis dit. Non, c'était très sérieux, puis surtout très politiquement attaché. Ah, ouais. Ah oui? Ouais. Vous êtes attaché de quel côté, politiquement? Non, j'étais avec l'attaché politique. Ah, OK, c'est pour ça, OK. OK. Ah, je comprends. Ben, vous restez avec nous quand même, ce qui s'en vient bientôt. Ben, je vais changer de siège, probablement. Ben, oui, c'est de même que ça fonctionne, c'est mais les gens ne voient pas. Hein. Mais vous êtes un grand mime corporel. La politique, c'est comme ça. Ça change de siège régulièrement. Oui, ben, ça va vite, en tout cas. Mais ils changent-tu de bord, mettons, quand ils se font virer de bord? Là, ouais. Ils changent de bord pour vrai? Oui. C'est à peine si les sièges des péquistes avaient été chauffés pendant... Hey boy. C'est 18 mois, ils étaient frais. Ils étaient où, nos anarchos? Ils étaient où? Ils sont dans... Avez-vous voté l'an passé ou cette année? Oui, oui, oui. Ouais, puis le reste de la gang, hein, non? Non, ils n'ont pas de... Les gars de 19-2, ils buvaient de la bière. OK! Hey, on s'ennuyait de lui. Il a été absent la semaine dernière, ben évidemment. Oui. Mais là, il nous revient en pleine forme. C'est le temps d'un peu de Radio AM. On écoute. Écoutez le Radio Vision, le 1430 AM, Jean-Étienne Eudes avec vous et avec Gladys resplendissante dans sa petite robe fleurie, digne d'un bal masqué. Oui, une robe qui ensoleille notre studio vétuste où trône notre console ringarde, digne d'une radio de brousse. Mais tout ça est bien secondaire lorsque je me concentre sur mon indignation qui ne me quitte d'ailleurs jamais plus, surtout lorsque je me tourne vers mes blancs amis de la soirée est encore jeune. Je ne sais pas si c'est à cause de leur budget titanesque qui leur donne un sentiment de surpuissance. Mais encore une fois cette semaine, Jean-Philippe Gauthier et son équipe font preuve d'un flagrant manque de civisme en invitant Réal Bossé. Je n'ai rien en soi contre M. Bossé. Mais j'avoue, je n'écoute pas l'émission 19-2. Trop violente, beaucoup trop caucasienne. D'ailleurs, m'a-t-on dit, le seul personnage récurrent noir est alcoolique et les autres personnages noirs sont secondaires et en plus membres de gang de rue. J'avoue ne pas être non plus un amateur d'improvisation. Déjà que la piètre qualité de nos équipements nous force à improviser ici à Radio Vision, je vais pas en plus aller payer pour voir des blancs se plonger dans ma réalité tous les jours. Mais je ne comprends pas pourquoi on invite des comédiens d'une galaxie près de chez vous comme Sylvie Moreau et Réal Bossé. On n'invite jamais Didier Lucien, qui pourtant était le pilier et le pilote du navire Roméo Fafa. Didier Lucien, pas vous doux. Encore une fois, on a préféré inviter un comédien blanc, même s'il n'était qu'un robot dans cette galaxie. Et pour notre communauté, c'est encore une fois une rebuffade qui nous laisse un goût amer dans la bouche. Visiblement, la fin du racisme rampant n'est pas dans une galaxie près de chez nous. Ah, incroyable. incroyable. Ouais. Hein? On déballe Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe, alors je viens tout juste d'arriver dans les bureaux de M. Louis Aucoin, vous le savez, associé principal chez Octane Stratégie, spécialisé en relations publiques et en politique publique. M. Aucoin, bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup. Alors, première question, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez du fait que je dirige mes intentions vers la course à la chefferie. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'en 2014, décider de faire une carrière au PQ, c'est un peu comme si j'allais porter mon CV pour travailler à l'émission de Jacques Languirand? Oui. Pour le moment, c'est un peu comme faire application chez BlackBerry, si vous voulez. Ça peut remonter encore, mais il y a beaucoup de monde qui est sceptique. C'est une question de timing aussi. Le premier qui va annoncer sa candidature, ça, il va avoir une longueur d'avance. Ça va être celui qu'il va falloir battre. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je dois changer un peu mon mode de vie? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un bon péquiste? Bon, par exemple, est-ce que je dois commencer à plus trop savoir ce que je pense de la souveraineté? Est-ce que je dois demander à Yves Desgagnés d'aller m'acheter des tailleurs Old Friend Flu? Est-ce que je dois commencer à frapper ma femme de ménage iranienne? Des choses comme ça. What? Oui, c'est des bonnes réponses. Pour être un bon péquiste aussi, il faut être capable de discuter sérieusement de sujets passionnants comme est-ce qu'on parle trop ou pas assez ou juste assez ou médium saignant de souveraineté? Ah, c'est vrai. Est-ce que c'est grave de travailler dans un hôpital avec un voile? Je sais pas. Donc, des sujets passionnants comme ça. Évidemment, la question que je me pose et qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que je sois très, très jeune, évidemment. Est-ce que le fait que je sois jeune, que j'ai pas beaucoup d'expérience en politique, fait que je devrais aller chercher des appuis chez des vieux politiciens qui pourraient, eux, me soutenir publiquement? Je pense à des Jacques Parizeau, des Bernard Landry, des Léo Bureau-Blouin, par exemple. Oui, bien, c'est une question difficile parce que l'expression « vieux politicien », c'est de plus en plus un pléonasme. Mais l'appui des vieux politiciens, ça peut aider, mais l'important, en fin de compte, c'est juste de pas avoir l'appui de Lucien Bouchard. Alors évidemment, M. Aucoin, une des choses essentielles, vous allez en convenir avec moi dans une course, c'est de bien connaître ses adversaires. Alors si vous le voulez bien, dans quelques minutes, on va étudier le cas d'un de ses adversaires, le tout juvénile Alexandre Cloutier, dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ah ben merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui a bien hâte que Jean-Marie Le Pen se morde la langue et meure empoisonné. Hey Fred! Ben oui, alors ça fait une petite semaine côté actualité, on va se le dire, hein, quand un discours de Maxime Bernier fait la une des journaux, c'est qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose. Un peu comme quand Maxime réfléchit finalement. Oui, bien sûr, il a eu la rentrée parlementaire à Québec, mais on va encore attendre un peu pour se mettre de la viande sous la dent, bien qu'en période d'austérité, on n'aura pas beaucoup de viande, il paraît. C'est pourquoi j'ai envie de parler d'un sujet plus léger, mais qui vaut la peine d'être dénoncé à mon avis, et je veux parler du snobisme qui entoure le hockey. Ah. J'ai la chance de fréquenter certaines personnes qui méprisent ouvertement le hockey et qui sont franchement condescendants envers les gens qui aiment le hockey. Je ne nommerai pas ces personnes, elles sont semi-connues. On peut même les entendre trop souvent à mon goût sur nos ondes et je n'aimerais surtout pas retrouver mon nom sur les fameux gaminets dont une de ces personnes aime bien abuser. Mon Dieu, je ne la nommerai pas. C'est compliqué, ça fait. J'avoue, mais non, mais j'avoue avoir déjà souffert de cette affliction. Est-ce que c'est pour la radio, cette chronique-là? On veut des noms. J'avoue avoir déjà souffert de cette affliction, moi aussi étant plus jeune, sûrement par manque de maturité. Oui, j'ai souffert de cette élitisme qui veut que la culture avec un grand K serait intrinsèquement supérieure, alors que les intérêts de la plèbe seraient plutôt vulgaires, incluant bien sûr la passion du hockey. Heureusement, je me suis guéri de ce regard trop haut porté sur mes congénères depuis quelques années, mais surtout depuis que je fais des débats sportifs à l'excellente émission matinale C'est pas trop tôt, en compagnie de François Gagnon le vendredi matin. Et encore plus depuis que j'ai remplacé à pied levé de façon, disons-le, héroïque, Jean-Patrick Balleux à cette même émission vendredi dernier, je suis encore plus en mesure d'apprécier toute la subtilité du monde du hockey. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse ici pour vous relater qu'on m'a même dit que si j'avais offert une dizaine de prestations comme celle de vendredi dernier, je pourrais aisément me qualifier pour le panthéon du journalisme sportif. Je ne vous répète ce qu'on me dit, là, je veux pas passer trop de temps à me lancer des fleurs. Les gens qui nous écoutent le font continuellement et le font très bien, d'ailleurs. C'est encore tout parenthèse. Ça pour dire que j'ai renoué avec la frénésie du hockey, surtout depuis que le Canadien est en série et que par le fait même, je me suis fait un plaisir de fréquenter la plèbe pour mon plus grand ravissement et j'aimerais ainsi lui rendre justice et ainsi exhorter une certaine élite à cesser d'ostraciser l'amateur de hockey et cesser surtout de trouver notre sport national vulgaire. Ah. Car ma grande culture encyclopédique tout le monde le sait, m'a permis au cours des années de fréquenter tous les milieux et je peux vous dire que la vulgarité est très bien répartie dans notre société. Qu'on ne vienne pas me dire, par exemple, qu'une madame de Westmount abonnée à la Maison Symphonique et qui vient nous montrer chaque samedi soir son visage botoxé par-dessus son lifting raté, au bras de son mari qui la trompe allègrement avec la bonne, une jeune Thaïlandaise de 19 ans arrivée ici en beau pipeau, sans papier, sans passeport et qui repartira sans doute bientôt, toujours sans papier, sans passeport, mais avec une gonorrhée, n'est pas moins vulgaire qu'un partisan du Canada. Et si vous voulez voir de la danse moderne, si vous allez voir de la danse moderne, chose que j'évite de faire depuis des années, vous verrez que la vulgarité n'est pas nécessairement dans la salle, mais plutôt souvent sur scène, où on vous présentera des danseurs et danseuses complètement flambettes, en vous faisant croire que vous êtes devant de l'avant-garde, alors qu'on sait très bien que le chorégraphe a copié son idée en sniffant de la coke sur les fesses d'un prostitué mâle, ce qui est en soi plutôt vulgaire, particulièrement la prise de cocaïne. J'ai encore des centaines d'exemples comme cela, mais je pense que vous avez compris. Cessons de mépriser le hockey, car c'est grâce à lui si les riches et les pauvres peuvent vivre ensemble des moments de grâce, les yeux rivés sur un écran géant d'un bar sportif à boire de la bière de mauvaise qualité. C'est aussi grâce au hockey que les amoureux, hommes et femmes, peuvent vivre d'autres moments d'excitation qui impliquent autre chose que des organes génitaux ou la rénovation d'un duplex acheté trop cher. Et n'oublions pas que c'est beaucoup grâce au hockey que l'équipe de la soirée est encore jeune a pu se constituer, car c'est autour de la défunte émission du Spornographe qui méprisait le hockey que Jean-Philippe Bautier et Olivier Niquette ont eu le titanesque privilège d'assister à la démonstration de mon immensissime talent, ce qui les convainquit d'unir nos destinées radiophoniques. Alors, au nom de tous les auditeurs qui ont tant de plaisir à nous écouter, j'aimerais dire merci, hockey, d'être ce que tu es. Bon. On va retrouver Jean-Sébastien immédiatement. Jean-Sébastien. Jean-Philippe, de retour avec Louis Aucoin. Vous savez, mon nouveau stratège politique pour ma course à la chefferie. Je veux maintenant, M. Aucoin, cerner un de mes adversaires politiques, le tout petit Alexandre Cloutier, qui, mine de rien, même s'il habite au lac Saint-Jean, semble avoir beaucoup d'ambition et il semble vouloir devenir le chef du PQ. Alors, M. Aucoin, est-ce que vous trouvez que c'est crédible qu'un inconnu de 36 ans veuille devenir chef? Vous trouvez pas que c'est un peu comme si je fais une analogie, là, comme si mon petit camelot du devoir voulait en devenir le rédacteur en chef, par exemple. Quand même, parce que tout est relatif. C'est parce qu'on choisit toujours en comparaison avec d'autres choix. Donc, que ce soit notre savon à vaisselle, notre auto ou notre conjoint. Donc, si vous donne le choix entre une Prius et une Lada, par exemple, vous risquez de prendre la Prius. Donc, la candidature d'Alexandre Cloutier, c'est un peu comme ça. Ça change rien. Non, mais c'est la seule auto sur le marché, donc on ne sait pas encore si c'est une Prius ou une Lada. Exactement. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur son parcours politique. Est-ce que, selon vous, il y a quand même des accros sur sa feuille de route? Par exemple, le fait qu'il ait craché sur la tombe de Pauline alors que son corps était encore chaud, est-ce que ça pourrait lui nuire? Ben, cracher, non, mais pas plus quand même, parce que je pense pas que le fait de critiquer l'ancienne administration, ça soit un point négatif au dossier d'Alexandre. Mais une fois que c'est dit, il faudrait pas pousser le bouchon parce que, mine de rien, comme vous dites, Pauline Marois a encore pas mal d'amis au Parti québécois. Ouais, exactement. Mais évidemment, la vraie question que tout le monde se pose à propos de Alexandre Cloutier, c'est celle-ci. Est-ce qu'il peut réussir quand même avec la même voix weird qu'Olivier Niquette? Oui, parce que Alexandre, au moins, est beau bonhomme. Ah, ça c'est bien répondu. Ça, c'est un bon point pour lui. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, évidemment, c'est le segment où on ouvre les lignes aux auditeurs, Jean-Philippe. Alors, si vous avez des questions à nous poser sur la course à la chefferie du PQ, à M. Aucoin ou au petit Alex, vous nous envoyez vos questions à la soirée@radio-canada.ca. On vous revient dans une vingtaine, Jean-Philippe. Bien, je vous remercie beaucoup. Bye. Fred, notre deuxième invité. Son parti a pris une méchante débat, mais il a quand même réussi à se faire élire dans son comté, comme quoi les gens du lac ne lisent peut-être pas les journaux. Accueillons le député de Lac Saint-Jean, Monsieur Alexandre Cloutier! Et Monsieur le député! Oh. Bon. Ça commencerait. Monsieur le député. Que puis-je? Ben, en fait, c'est surtout moi qui vais poser la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ben, de toute évidence, à vous écouter, je pense que je pars de loin, alors je vais vous écouter. Non, mais en même temps, vous savez ce que c'est être ministre. Vous avez vu c'était quoi. Ouais. Donc, vous savez un peu à quoi vous attendre dans 4 ans et demi. Bon, je crois que vous êtes optimiste, par contre. Mais vous êtes... Je voulais vous féliciter quand même, parce que vous êtes le premier candidat officiel à la chefferie à venir à l'émission. Et ça... Oh, je suis maintenant rendu candidat officiel à la chefferie. Vous l'avez annoncé, non? Non, évidemment, ça l'a... Non, on n'en est pas du tout là. Arrêtez donc! Come on! Ce qui... Ah ouais, non, non. Voyons donc! Quand est-ce que ça revient en onde? C'est quoi la troisième saison du PQ? Ah oui? C'est, oh, c'est une bonne question. Puis, l'important pour le Parti québécois, ouais, vous le savez, on a eu 25 % du vote. 25 % du vote, là, ça veut dire moins d'une personne sur six qui a choisi le Parti québécois aux dernières élections, parce que, comme vous le savez, il y a plus de 30 % des gens qui ne sont pas allés voter. Ouais. Alors, plus que jamais, le Parti québécois doit reconnecter avec les gens puis doit avoir un discours du peuple. Le Parti québécois a été longtemps le parti de la population, le parti du peuple québécois, et de toute évidence, il n'y a plus grand monde qui se sont reconnus en nous. Le problème du projet de pays, comme on en a parlé, on disait on veut un pays, mais on ne disait pas quel pays on voulait. Ben là, c'est je ne voulais pas le Zimbabwe, hier, je veux dire, en même temps. Ouais, mais il fait chaud, là. J'avoue. Mais non, mais... Faut être fier d'en parler. Je comprends. Il faut assumer qui on est. Il faut être des souverainistes décomplexés. Il faut être fier d'être souverainiste. Parce que pour une nation francophone en Amérique, il n'y a rien de plus normal que de vouloir son pays. Demandez aux Français s'ils sont fiers de leur pays. Bien sûr, mais que oui, les oui. Canadiens. Non, pas ici. Le plateau. Ils s'en viennent sur le plateau. C'est la réserve phonique du plateau. Mais monsieur Cloutier... Oui. Là, je lisais sur... En fait, il y a une lettre qui a été publiée récemment, oui, de 120 jeunes. Mais je peux vous dire tout de suite, oui, que la lettre que j'avais écrite était nettement meilleure que la version qui a été retenue. Parce que les 120 jeunes vous appuient, oui, hein, et vous demandent de vous présenter, oui, des jeunes que vous ne connaissiez pas, ou à peu près pas. C'est-tu pas gentil de leur part, ben justement, oui, cette démarche-là? On rit bien, mais c'est quand même vous qui avez demandé de l'écrire. Non, pas du tout. Non? Mais ce qui est intéressant de ça, c'est de voir que... En fait, des jeunes ont le goût de faire de la politique, puis ont le goût de se retrousser les manches, puis d'y contribuer, puis d'y croire. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est quand vous dites « on va parler aux jeunes, oui, on va les réintégrer », mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que on dirait ce qu'on voudra... les impliquer. Mais les impliquer comment? Ben, comment? Je vous donne des exemples. Mais comment on fait pour rendre le PQ... sexy. Comment on fait pour rendre le PQ le fun? Non, mais d'abord, il faut se reconnecter avec le monde. La proposition que j'ai faite pour choisir le prochain chef du Parti québécois, c'est quand même pas banal. Là. C'est vrai, ça. Ce que je dis, là, c'est comme Justin Trudeau, dans le fond. Écoutez, c'est partout dans le monde. Je l'ai insulté, ça me dérange pas que vous utilisiez exemple. Ouais. Mais on est élu en Italie. Il y a 4 millions d'Italiens qui ont choisi Prodi en 2005. En France, on a choisi François Hollande. Il y a plus de 2,5 millions de Français. Donc, l'idée de... Laissez-moi finir. Il y a 2,5 millions. Non, mais c'est parce qu'on est quand même... Non, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, par exemple, il y avait 200 000 membres. Il y a 2,5 millions de monde qui sont allés voter. C'est pas rien. Ça veut dire qu'on ouvre les fenêtres, qu'on donne la parole au monde, qu'on implique les gens à venir s'impliquer avec nous au lieu de rester entre nous puis juste notre gang. Il faut élargir. Il faut donner la parole aux citoyens. Tout le monde pourrait se prononcer. On prend André Pratt, la presse, sélection. Non, bien sûr que non. Tout le monde qui est souverainiste, tout le monde qui sont qui souhaite que le Québec devienne. Mais comment tu vérifies ça, justement? Parce que déclaration, c'est facile, c'est simple. Écoutez, la France le fait, les Américains le font. Il y a 35 millions qui ont choisi Barack Obama pour la candidature à la présidentielle. Pensez-vous qu'il y a 35 millions de membres du Parti démocrate aux États-Unis? Tout à fait. Alors, pourquoi on fait ça aux États-Unis? Pourquoi on fait ça en France? Pourquoi on fait ça en Italie? Justement parce qu'on veut que le candidat qui soit le représentant lors de l'élection, soit un candidat qui soit choisi par le plus grand nombre possible. L'idée, c'est un peu... je parlais de Justin Trudeau, parce que justement, c'est ce qu'il a fait à l'ouverture du Mais il y avait 85 % d'appui avant même que ça commence. Ouais. C'est un petit peu différent comme exemple, à mon point. Je suis d'accord, mais il demeure que c'est le même principe. Ouais. Donc, c'est d'ouvrir la chefferie du PQ à tout le monde. À tout le monde qui est progressiste et indépendantiste. OK. Bon, mais en même temps, je veux dire, c'est difficile de vérifier si tu es indépendantiste. Ah oui, tu signes une déclaration. Mais ouais, je veux dire, je signe une déclaration. J'accepte les conditions de paiement sur Amazon, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... envoyer ça à mon avocat, là, tu sais, je veux dire. Il va avoir du chemin à faire. Mais c'est une déclaration sur l'honneur. Parce que tant qu'à ça, c'est le même argument. Parce que le même argument tient pour dire, tant qu'à ça, n'importe qui peut acheter une carte de membre. Ben, c'est vrai. Ben oui, n'importe qui peut acheter une carte de membre. Mais ça, c'est peut-être un premier pas. Mais je veux dire, rendu là, il faut quand même que les jeunes s'intéressent à ça. Il y a un stigmate avec le PQ, je pense, et c'est ce stigmate de vieux politiciens. Quand on entend que Gilles Duceppe serait pressenti, on fait des sondages, en fait, avec Gilles Duceppe à la tête. C'est normal. Quand ils sont, écoutez, vous l'avez fait tantôt. Qui c'est ça, Alexandre Cloutier? Dans la vraie vie, là, il y en a plein de jeunes, mais le monde ne nous connaît pas. Mais non! Je pensais que vous aviez la même voix qu'Olivier Niquette, c'est pas vrai du tout. Non, moi, j'ai 4 élections de fait dans Lac-Saint-Jean, puis j'ai été 18 mois ministre, mais dans la vraie vie, c'est que les gens ont à peu près aucune idée. Je suis qui? Puis c'est vrai pour moi, puis c'est un peu moins vrai pour Sylvain Gaudreau, mais c'est quand même beaucoup vrai. Puis c'est vrai aussi pour Vernon Quivon, puis c'est vrai aussi pour Pascal Bérubé. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux et celles qui essaient de brasser en cage, qui essaient de donner du renouveau au parti, c'est dur pour nous d'exister sa place médiatique, mais on s'en fout à la limite site des médias, parce que ce qui compte, c'est les idées. Si on réussit sur le fond des idées, éventuellement, les gens vont se reconnaître dans les idées qui seront sur la table. Puis une fois qu'on aura des bonnes idées sur la table, ben là, le monde va suivre en disant « Ah, on se reconnaît dans ces nouvelles idées-là. » Puis le Parti québécois est maintenant un parti du renouveau. Comment il va, Pierre Carl? Il va bien, j'ai parlé l'après-midi. Pour vrai? Ouais. Aïe, aïe! C'est vrai. Non, mais quand même. Honnêtement, je l'ai appelé, j'avais écrit un petit mot, puis là, je l'ai appelé par politesse. Non, il a vraiment répondu. Ah ouais? Puis honnêtement, j'étais même surpris de voir à quel point il avait. Vous dit. Attendiez à laisser un message? Ben, je m'attendais, ben, c'est ça. Ah, surprenant, hein? Moi, c'est surprenant. Oui, en fait, j'étais. Allô? Allô? Il m'a surpris. Il m'a dit qu'il souhaitait être parmi nous vraiment rapidement. Là, je ne veux pas donner de scoop. Mais ce que je comprends, c'est qu'il va bien. OK, good. Puis, on a parlé de dossier. Écoutez, on a un temps. Ah bon, ouais, hein? Oui, il est très dynamique, puis il a le goût de contribuer. Alors, ça, c'est très positif. Bien, vous lui souhaiterez prompt rétablissement et on l'attend dès qu'il est réparé. Mais là, c'est drôle, c'est la première fois que je fais ça, mais là, il y a un nouveau chroniqueur. En fait, il faut présenter le prochain chroniqueur. Oui. Puis ça se trouve être presque la même personne, en tout cas, avec la même voix. Les gens vont voir la différence. OK, parfait. Présentez-nous. Grâce à lui, on n'a pas besoin de subir le supplice d'écouter la radio Jambon plus de 6 minutes par semaine. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Yeah! Hey! Yeah! Bon. Yeah! Mon Dieu. Ça a l'air qu'on a aussi la même voix que le gars dans les pubs de Tim Hortons qui parle avec son estomac. Wow! Dire semaine pour le rapport Ménard, dénigré par tout le monde, sauf par M. Ménard lui-même. Du côté des radios d'opinion, la crise étudiante reste un sujet très émotif. Et justement, Jérôme Landry de Radio X a été bien, bien ému. C'est un tas de merde, ce rapport-là. M'a-t-il dit, là, c'est un tas d'excréments. C'est ce que je voulais dire. Quand tu lis là-dedans là, qu'il aurait fallu nommer un médiateur, comment ça un médiateur? Depuis quand on a besoin d'un médiateur entre un gouvernement élu légitimement, démocratiquement, et une gang d'ados attardés qui jouent à être des communistes. Eh oui, des ados qui jouent aux communistes. Envoie ça en retenue au goulag. Tout le monde sait ça. Mais avertissement toutefois, en tablettant ce rapport en forme d'excrément, ça pourrait sentir mauvais et le PLQ risque encore une fois d'attirer de la vermine. C'est un pensée zibien. Reste que Jérôme Landry aurait peut-être dû faire comme Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec qui, avant de parler en long et en large du rapport Ménard, expliquait ceci. Je vais être honnête, je ne le lirai pas. Je ne vais lire que les chroniques qui se sont écrites là-dessus. Je ne m'abaisserai pas à lire ce rapport-là, puis je me sens dans mon droit de dire ça. Et oui, c'est devenu la norme de donner son opinion en se basant sur l'opinion de quelqu'un qui a une opinion sur quelque chose qu'il n'a pas lu. Et comme elle dit, c'est dans son droit. Quant à son devoir de savoir de quoi elle parle, bien ça, c'est une autre histoire. un peu la même histoire que Sylvain Bouchard de Cogeco qui s'est fait expliquer pendant 10 minutes par l'avocate du monsieur qui a tué sa fille et qui a été condamné à 60 jours de prison, que le juge n'avait pas vraiment tenu compte du fait que dans la culture guinéenne, il était toléré de gifler son enfant. Conclusion de Bouchard. Vous savez quoi dire désormais? Vous êtes pogné avec du pot, vous venez d'Amsterdam. Si vous battez vos enfants, vous venez d'Afrique. Si vous battez votre femme, vous venez d'un pays musulman, parce que dans certains cas, malheureusement, c'est toléré. Là, on ouvre la porte. Que c'est ça? Et si vous êtes pris en flagrant délit de dire n'importe quoi, vous pourrez toujours plaider que vous faites de la radio à Québec. Pour rester dans le domaine des gens bien informés, Denis Gravel de Radio X en avait long à dire contre le nouveau projet de vélo rue du maire Ferrandez. On laisse de la place à ce monsieur-là qui est en vélo. Puis ce monsieur-là, pas propre, là, qui gratte sa guitare puis qui chante heureux d'un printemps, qui me chauffe la couenne, là, c'est eux autres qui ont la rue aujourd'hui. À nous, la rue! Prenons des notes à Québec pour pas devenir fous comme ils sont devenus fous à Montréal, où ils ont perdu le sens des priorités, qui savent plus comment ça marche une ville. Ça, c'est vrai. Les platoniciens du nowhere de gratteux de guitare devraient s'inspirer de Denis Gravel, un gars qui habite une banlieue de Québec et qui sait sans doute comment faire fonctionner le quartier qui a la plus forte densité de population au Québec. D'ailleurs, pour Denis, le plateau fait preuve d'une trop grande fermeture. Ça devrait être ça, le slogan au plateau Mont-Royal. Tu veux venir chez nous? Fuck you! Tu veux nous donner ton argent? Fuck you! Tu veux venir manger au pied de cochon? Fuck you! Tu veux aller déjeuner dans une... Fuck you! Tu voulais t'acheter des soules? Fuck you! Tu voulais une robe? Fuck you! Plateau Mont-Royal? Fuck you! Il devrait le mettre ses pancartes. Et comme Denis vient souvent acheter des robes sur le plateau, c'est bien normal que ça le fâche à ce point-là. Et restons dans le vélo, mais passons au Saguenay, où l'animateur de l'émission du matin à Kick, Dominique Fortin, lui-même cycliste, voyait de l'espoir pour l'assainissement de nos routes. Ceux que j'appelle les débiles, il y en a des deux côtés. Je me suis déjà fait charger par un automobiliste qui n'avait aucune raison de me charger alors que j'étais carrément dans l'accotement. Mais l'inverse aussi, tu sais, des fois, je vois des cyclistes passer ces lumières rouges sans vraiment se préoccuper du trafic. Je me dis, tu sais, à un moment donné, Ouais. C'est un accident après, la sélection naturelle fait son œuvre. Rien de moins. Et en passant, la sélection naturelle fait aussi son œuvre en radio et c'est probablement pourquoi M. Fortin travaille au Saguenay. Pour terminer, Canadien a gagné hier, mais ça ne veut pas dire qu'il se trouve en bonne posture. C'est que la série contre les Rangers est moins émotive que celle contre les Bruins, contre qui, selon Réjean Houle, Canadien est bon depuis toujours. Je sais pas si c'est historique ou ça fait partie de notre adrénaline, mais à quelque part, lorsqu'on joue contre les Bruins de Boston, le Canadien vient toujours à bout de se dépasser. Voilà, c'est dans notre adrénaline que de battre les Bruins. Mais quand même, avec la montée d'ADN d'hier, je suis pas mal sûr que le Canadien va battre les Rangers. Vous savez que nous sommes bons princes, hein, ah, la soirée tellement. Est encore jeune, tellement qu'on fait la promotion d'empires concurrents. Alors, on va écouter une publicité du Journal de Montréal. À lire cette semaine dans le Journal de Montréal. Un vaccin pour contrer l'homosexualité pourrait bientôt voir le jour. Découvrez comment un comédien québécois tente de se guérir en essayant la version suppositoire. Un homme est arrêté au Tennessee pour avoir tenté d'avoir une relation sexuelle avec une table à pique-nique et un guichet automatique. Notre journaliste s'est rendu sur place pour tenter de faire un retrait dans le même guichet. Après une enquête méticuleuse qui a duré presque tout un avant-midi, un autre journaliste générique a découvert que la pente abrupte qui a propulsé PKP dans un trou avait été installée à cet endroit la veille par des syndicats. Tous les détails sur cette sortie d'affaires ainsi qu'une entrevue exclusive avec le trou qui a presque tué notre patron. Et enfin, lisez la chronique de Sophie Durocher qui dénonce le phénomène des sites Internet de satire de l'actualité qui nous font passer pour des épais. Le Journal de Montréal. Pauvre quotidien. Avec les deux premières manchettes sont véridiques. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Jean-Philippe, énormément de courriels ici qui s'adressent aussi bien à M. Aucoin qu'à Alexandre ici en studio. Et le tout premier s'adresse justement à Alexandre et ça va comme suit. Allô, mon bel Alex. Je voulais savoir, si jamais tu te présentes à la course à la chefferie, est-ce que tu aimerais ça que je te donne un coup de main en t'appuyant publiquement? Je t'aime beaucoup et cet été, viens donc te baigner dans ma piscine et c'est signé J. Bertrand. Ah ben écoute, il accepte l'invitation, son micro fonctionnait pas, on est en coupure partout, Jean-Sébastien. Hein? On a coupé son micro. Bon, mais je veux parce que c'est surtout parce que c'est un péquiste, hein? On n'a plus le droit d'en passer ici à notre émission. Alors le second courriel s'adresse à M. Aucoin et ça va comme suit. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile de dealer avec le prochain chef, et c'est signé M. Arsenault de Montréal. Ça dépend. Si vous le connaissez pas, ça va être difficile, mais si vous êtes chum avec, ben, un chum, c'est un chum. Et là, si j'ai un dernier courriel pour Alexandre, ça va comme suit. Alexandre, est-ce que tu sais si je peux revenir? Le sérieux, c'est plus drôle, et c'est signé A. Boisclair. Dis-lui que je le rappelle. Je le rappelle sans faute. Alors, M. Aucoin, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine. Bon, merci infiniment. Alors, on se souhaite à tous les deux bonne chance, Alex. Et évidemment, je voudrais m'excuser d'avoir dit au début de l'émission « On veut un pays » parce qu'effectivement, ça ne disait pas quel pays on voulait. Ben non, je sais bien. C'est une autre boulette, ça, Jean-Sébastien. Je vous remercie beaucoup. Merci, Jean-Sébastien. On va à notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire nous parle de monarchie cette semaine, comme quoi c'est vraiment une bien petite semaine dans l'actualité. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Ah. Mon Dieu! On n'a peut-être pas Jean-René qui rit trop fort, mais un gars qui siffle, hein? Ouais, ouais. Ouais. Maudit chanceux, hein? Vous avez suivi la tournée royale, vous, cette semaine au Canada. Ouais, ouais. Tournée de 4 jours pour Charles et son ex-maîtresse. Hein? Ouais. Ce qui nous rappelle ceux qui étaient là en 93, leurs échanges coquins qui avaient paru à ce moment-là, où est-ce que Charles lui disait qu'il voudrait être son Tampax. Vous vérifierez, c'était une belle affaire. J'avais 12 ans. Moi, je m'en souviens, je lisais le Paris Match à tous les jours. Ben oui. Donc, 4 jours, 720 000 $ en argent sonnant. Ça a été payé en grosses coupures dans les programmes, dans les prisons, dans Radio-Canada. Ouais. Et c'est à peu près le salaire de papa pour son nouveau talk show. Hein. On salue les journalistes d'enquête, d'ailleurs. Je voulais les saluer. Bon. Mais je digresse ici. Je parlais de prince et de la duchesse de Cornouailles, hein, venue prendre ici un break de gardiennage du petit Georges-Alexandre-Louis de Cambridge, qui a eu 10 mois hier. Ah, ça passe vite! Très cher petit garçon, ben, qui était oui. William, très onéreux surtout. Hein? Le petit prince qui va se croire plus important qu'un comte de Saint-Exupéry et se prendre pour un enfant roi. Pas besoin de demander, dessine-moi un mouton. moutons. Au Canada, chaque citoyen dépense 50% de plus pour la monarchie que les Britanniques. Et chaque fois que le petit Georges fait les manchettes, il éclipse toute autre nouvelle importante, comme quoi l'essentiel est vraiment invisible pour les yeux, Jean-Philippe. Mais... Mon Dieu, que c'est politique. Mais vous êtes préparé comment pour cette visite-là? Parce que c'est pas évident de préparer pour prêt, vous. J'étais prêt grâce à l'application lancée le mois dernier par le gouvernement fédéral. Et c'est pas des blagues, vous irez voir. L'application Couronne canadienne sur iTunes. Moi, l'application royale, oui, des photos de la famille royale, l'itinéraire royal, de tournée royale de Charles et de Camilla, des vidéos royales, des dernières visites royales. J'ai tellement la fibre royale, là, Jean-Philippe. Excité, je transpire la monarchie. J'ai envie de crier « Hi-hop » puis de chevaucher un oléoduc avec un café avec un café Tim Hortons dans les mains. Je les ai suivis, là, les deux, à Pictou, en Nouvelle-Écosse, là, où ils sont allés voir le richissime oncle Pictou. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'hasard. Il était là le jour de la fête de la reine Victoria. Il n'était pas à Victoria, là. Il était en Nouvelle-Écosse, l'Écosse libérée par le patriote William Wallace dans Braveheart. Donc, ils envahissent la journée des patriotes sans nous le dire. Ce sont des agents infiltrés, Vautier. Ils voulaient faire échouer Canadiens en série parce qu'ils n'ont pas seulement invité le Québec. Parce que Carrie vient de Colombie-Britannique. Ils ne sont pas allés en Colombie-Britannique à Annan Lake, là, le lac aux canards Mighty Ducks. Qui c'est qui s'est fait canarder? Dustin Tokarski, qui lui vient de Saskatchewan, de Humboldt, pour être précis, du nom d'un explorateur allemand. Puis en parlant d'Allemagne, le prince Charles, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit que Poutine, c'est comme une attaque frontale à notre plan national au Québec. Et après ça, quoi? Ils envahissent l'île d'un autre prince, Édouard, celui-là. Des rivaux en matière de quêteux de péréquation là-bas. Puis, avec Stephen puis Lauren, ils visitent un hangar d'avion à Winnipeg. Un appui implicite au jet qui arbore le logo conservateur avec un avion. C'est un complot, Vautier. Oui, hey, c'est super intéressant. Mais calmez-vous un peu. Parce que je pense que les gens l'aiment, la famille royale. Ils l'aiment. Faut les aimer fort pour endurer que ça s'habille de même. C'est normal, vous, qu'on s'attache à des Camilla qui s'habillent avec des tweeds du magasin M&M puis des chapeaux d'une superficie du Nunavut, là? Ouais. Non. Pourquoi ils les aiment, Vautier? Peut-être parce qu'on leur a dit de les aimer. L'année passée, là, dans le nouveau guide pour les immigrants, le Canada a ajouté une nouvelle section sur la monarchie, là, avec un portrait de la reine, des photos de Kate William en visite. C'est pas les pandas qu'on a mis, là. Ouais. Tant qu'à mettre du royal, ils n'ont pas choisi des palourdes, là. Peut-être... Peut-être font partie de l'identité canadienne à cette heure, comme les armes à feu, avait dit Justin Trudeau. Ouais. Parce que Maxime Bernier a dit que l'anglais fait maintenant partie de l'identité québécoise. Ouais. Hein? Contrairement à Maxime Bernier. vous savez quoi, M. Cloutier? Ouais. Vous auriez dû laisser faire les jabs, les kippas, les baklavas, les pinacoladas. Au Canada, là, l'identité canadienne, c'est un gars qui se lance dans une tirade passionnée sur sa canadianité, là, sur une scène devant une folie en criant qu'il vit pas dans un igloo, qu'il est pas bûcheron, qu'il est fier de son castor, de sa tuque, qu'il parle anglais et français. Yeah, right. Et qu'il est « I am Canadian ». Dans l'identité canadienne, là, Tom Cochrane puis Sash Jordan, c'est encore des stars. Nous, là, peut-être qu'on a peur de la menace référendaire, qu'on se délecte encore du jeu subtil de Mario Jean à prise 2 quand tu vois le gros firmé dans le nom du père et du fils. Là. Mais si vous voulez vraiment faire comprendre c'est quoi l'identité québécoise, là, vous avez une seule question à poser, une question aux gens, M. Poutier. Sentez-vous que vous faites partie du même peuple que Nickelback? Non, voilà, c'est ça l'identité québécoise. Wow. Merci, Jean-Philippe. On termine l'émission là-dessus. Restez à l'écoute et on remercie évidemment toute l'équipe par Hélène Rascot, Steve Côté, Jean Gagnon, Phil Roberge. Merci à nos invités de ce soir. Réal Bossé, ben, on regarde évidemment 19-2 en janvier, mais il y a sûrement d'autres choses. Si tout va bien, en fait. Alexandre Cloutier, bonne chance pour la course à la chefferie. Évidemment, on va vous recevoir d'ici là. Ce qui est trippant ce soir, c'est qu'on a enfin trouvé la prochaine question référendaire. Une question claire pour poser au reste. Merci à Jean-Philippe Cipriani, évidemment. Si vous voulez écouter l'émission, on est en podcast. Vous nous trouvez sur iTunes. Et si vous voulez venir à l'enregistrement d'émission, on fait ça les vendredis à 16h. La semaine prochaine, Serge de Noncourt. Vous avez de la misère avec mes F. Mon Dieu. La semaine prochaine, Serge de Noncourt. Mon téléphone sonne encore. Et la ministre. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai de la misère avec mes F. Alors, la semaine prochaine, Serge de Noncourt, la ministre libérale. Peut-être, Hélène David. Oh, on a bien hâte de la recevoir. Alors, les étudiants Philippe Bautier qui vous souhaitent de passer une soirée qui est encore faite.